La cérémonie d'ouverture de la 27e exposition nationale des réalisations informatiques a eu lieu le 26 octobre au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Y ont pris part Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés et les programmeurs. Y sont présentés plus de 1300 programmes d'application du système opérationnel à la coréenne établis au cours des efforts pour développer rapidement l'informatique du pays conformément à la demande de l'époque de l'économie du savoir et réaliser l'automatisation, l'intelligence et la robotisation des usines et entreprises. Pendant la période de l'exposition, il y aura un concours de divers domaines comme le programme du système de production intégrale d'ordinateurs et le programme d'analyse du simulacre des épreuves sportives, etc.